Il y a longtemps, loin d'ici, vivait dans un pays étrange et merveilleux, des petits lutins joyeux. Nous sommes les petits schtroumpfs. Vous avez dit les schtroumpfs? Ces petits êtres bleus qui sont toujours heureux. Notre village est bâti, bien caché à l'abri, très loin dans la forêt, au-delà des baisers et des marais. Il est si bien caché, personne ne peut le trouver. En forme de champignon, tout à fait décoré. C'est clair car la nuit va tomber. Partout il y a de la musique, la fête est fantastique. La schtroumpf la la la la, la la la schtroumpf la la. Mais dans l'ombre, leur ennemi mortel, l'horrible sorcier Gargamel, rumine sa vengeance. J'ai maudit schtroumpf. Azrael, son chat, se lèche les babines et déjà sort ses griffes acérées. Moi, j'aime pas les affairés. Mais nous n'avons pas peur, nous sommes toujours vainqueurs. Le grand schtroumpf sait comment déjouer tout le plan. Pointe des pieds, ils sont trop occupés.